le 89.5 de Radio Edu et le 90.9 de Radio Andenne, nos deux radios associatives Loire Sud associées et qui mutualisent ces moyens techniques et ce plateau présent sur ce rendez-vous de la transition écologique. T'as tout juste, deuxième journée, dimanche 23 novembre, il est 15h15, passé d'une poignée de secondes, presque deux minutes, pour évoquer un nouveau sujet avec un nouvel invité. Ce dernier sera en conférence à partir de 16h, une conférence intitulée « La bataille victorieuse pour la Loire sauvage ». Il s'agit de Martin Arnoux qui est avec nous. Martin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau, ce plateau radio. Martin, c'est l'intitulé de cette conférence, mais qui en fait fait écho, bien entendu, à un ouvrage, « Au pied du barrage, la lutte oubliée pour la Loire sauvage », que vous avez écrit, bien sûr, et qui est paru aux éditions Actes Sud. J'ai eu l'occasion de vous découvrir et d'ailleurs de me procurer cet ouvrage lors du dernier événement littéraire de la ville, fait du livre de Saint-Étienne, avec une rencontre littéraire d'ailleurs, entre BD et, oui, et essais. Très belle rencontre avec une autre autrice locale. Qui porte sur, avec Florence Autissier, qui porte sur la question des océans. Avec Isabelle. Avec Isabelle, tout à fait. Autissier, oui. À Futuropolis, oui, un livre sur les problèmes liés à la pollution des océans, pour aller très très vite. Zelba, pour la citer de son nom d'autrice bande dessinée. En tout cas, il était question de l'eau, et il va être question de l'eau, il va être question de fleuve surtout. On est là pour évoquer cet ouvrage, mais surtout donner un avant-goût à la conférence qui va suivre tout à l'heure. Vous aurez le temps et l'espace pour développer davantage. Là, l'idée est de faire un peu synthèse, justement, de cette intention, et puis revenir, du coup, sur cet ouvrage. Alors, peut-être, justement, commencer par le commencement et la genèse de ce livre, Une bataille pour la Loire sauvage. Expliquez-nous, recomprendre un petit peu le décor, de quoi il s'agit. Une bataille pour la Loire sauvage, oui, une belle victoire, et un récit complètement oublié qui est sorti de nos mémoires collectives, de notre mémoire collective, y compris ici à Saint-Étienne. Oui, je cale le micro. Alors que c'est la première grande victoire écologique, victoire citoyenne pour transformer la manière dont on a aménagé les fleuves, dont on les a aménagés pendant 150 ans. Il y a eu une résistance longue avec 5 années d'occupation pacifique d'un site entre 1989 et 1994, avec la présence des citoyens les plus ordinaires, comme vous, comme moi, des mères de famille, des étudiants, des pâtissiers, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. La présence à leur côté d'une grande ONG internationale, le WWF, on y reviendra peut-être, le tout s'appuyant sur des savoirs scientifiques très sérieux, élaborés entre les années 60, 70, 80, montrant qu'il était temps de passer à une nouvelle vision et de nouvelles pratiques en termes d'aménagement des fleuves. Pour le dire de manière caricaturale, l'ère des grands barrages, l'ère des grandes digues, l'ère du contrôle, l'ère de la toute-puissance de l'homme sur les fleuves, c'était fini. Et on a eu la compréhension de ça un petit peu avant tous les autres. Et ça a été une longue lutte gagnée, ça c'est important. Et j'ai fait ce bouquin, j'y ai participé, parce que c'est pas normal que ça ne soit pas dans nos mémoires une source de fierté, surtout en ce moment. Une lutte qui se solde par une victoire, effectivement, il s'agit de le saluer et de le célébrer, en quelque sorte. Pour être clair, revenons sur le projet, en fait, vous parlez de grand ouvrage, d'aménagement. Rappelez-nous quand même, donc, milieu des années 80, quel est ce projet que l'État, finalement, entend entreprendre. C'est un grand ouvrage qui va concerner le fleuve Loire, pas très loin d'ici, dans le département voisin du 43. Alors, un petit peu de contexte. Le marqueur, le déterminant, ce qui conduit l'État et des élus regroupés dans un syndicat qui s'appelait à l'époque l'EPALA, l'établissement public Loire d'aménagement de ses affluents, a lancé non pas juste le projet de construction d'un grand barrage dans la Haute-Vallée de la Loire au sud du Puy-en-Velay, mais un programme de 4 grands barrages sur l'ensemble du fleuve Loire. Et quand on dit grand, c'est des barrages qui font 1 km de largeur, 50, 60, 70 mètres de hauteur. Il s'agit vraiment de grands ouvrages, du type de Grand Jean, à côté de chez nous, pour donner une image, une comparaison. Eh bien, en 1980, il y a eu une crue terrible à Brive-Charensac. Et pour ceux qui... Alors les crues maintenant, c'est de plus en plus rentré dans notre culture, notre préoccupation collective, parce qu'il y en a partout, il y en a tout le temps, elles font de plus en plus de dégâts. Et à l'époque, l'État avait comme doctrine, on va les contrôler. Alors que maintenant, on est passé à une attitude, et je vais y revenir parce que c'est très intéressant, c'est le fruit du combat de l'or vivant. On va vivre avec, on va essayer de les gérer. À l'époque, la grande crue de Brive-Charensac, il y a 2000 mètres cubes secondes de la Loire qui passe à Brive-Charensac, alors que normalement, le débit moyen du fleuve, c'est 40 mètres cubes secondes. Donc vous imaginez la violence, c'est terrifiant, une crue comme ça. Et dans les années 50, 60, 70... L'État, les élus, les gens, il ne s'agit pas de culpabiliser, de montrer du doigt, mais on avait construit partout en zone inondable des entrepôts, des grands magasins, des logements. Et cette crue fait d'énormes dégâts, à peu près pour 100 millions d'euros de dégâts en valeur de l'époque, hein, ça en ferait 200 ou 300 aujourd'hui, et elle tue 8 personnes. Donc c'est un traumatisme. Et à l'époque, en 1980, la Loire est le fleuve qui n'a pas été, en France, qui n'a pas été complètement aménagé. Et la réponse des élus, la réponse des ingénieurs, c'est de dire nous avons aménagé la Seine, nous avons aménagé le Rhône, nous avons aménagé le Rhin, il faut aménager la Loire. À partir du moment où elle sera aménagée, aménagée égale contrôle, égale grand barrage, égale grande digue, nous n'aurons plus ces catastrophes. Et le point de départ, c'est ça. C'est 1980, l'État injecte des moyens, de la technicité, met ses meilleurs ingénieurs, et le plan de 4 grands barrages est signé entre... On est avec la présidence de François Mitterrand, est signé en 1984, et les travaux sont censés commencer en 1988. Et puis là, il y a, je vous ai dit en préambule... La culture de l'aménagement des fleuves était en train de bouger. Pourquoi ? Parce que nous avons construit environ, dans le monde, retenez ce chiffre, il est assez frappant, 50 000 grands barrages sur tous les fleuves du monde. Il ne reste qu'une dizaine de fleuves qui coulent à peu près librement de leur source jusqu'à la mer. Donc les fleuves ont progressivement été transformés en des sortes d'escaliers, une suite de grandes retenues. Leur lit a été rétréci, on a construit des digues pour faire en sorte que l'eau ne déborde pas et qu'on puisse aménager les zones inondables. On les a transformés en canaux. Le Rhône, par exemple, en France, c'est un des fleuves les plus aménagés du monde, le Rhône. Il y a 19 barrages sur les 500 km de cours du Rhône français. Il reste 50 km de berge intacte. Et le progrès, le progrès hydraulique, la culture de l'aménagement, c'était ça. Et comme montraient les scientifiques à partir des années 60-70, c'est que ça cause beaucoup de problèmes. Ça aggrave les risques naturels d'inondation, parce qu'on croit qu'on contrôle les crues, en fait, on ne contrôle rien du tout. Ça abîme la qualité de l'eau, parce que, je ne vais pas donner de longues explications, on en parlera plus tard, plus longuement, mais un fleuve qui coule, c'est une véritable station d'épuration, fleuve qui coule librement. Les barrages, ils ont la caractéristique d'accumuler les pollutions. C'est le cas de Grandjean, hein, qui est un petit peu connu ici, avec les explosions d'algues vertes l'été venu. De nécessité de vidanges régulières, etc. Oui, qui ne se font pas parce que c'est trop dangereux pour les milieux naturels. Un fleuve trop aménagé, ça fait disparaître la biodiversité. Or, on commence de plus en plus à comprendre que avoir des poissons migrateurs, des oiseaux, des insectes, des mammifères, c'est pas un luxe, c'est pas réservé à quelques naturalistes. C'est fondamental pour bien vivre dans des écosystèmes en bon état. Bref, la culture de l'or vivant s'appuie sur ses acquis. Et donc il y a un choc à partir de 1989 avec l'occupation du site, bref, un rapport de force. Voilà. Qui conduit 5 ans plus alors, tard. Alors on n'a pas énormément de temps, mais expliquez-nous peut-être de façon là très synthétique comment vous avez réussi un petit peu finalement à renverser finalement un peu les choses, hein, parce que c'est grâce à cette mobilisation, d'abord de quelle manière peut-être elle s'est opérée, comment ça s'est passé à l'époque, parce que la lutte d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, et vous évoquez dans votre ouvrage, vous faites le rapport avec peut-être les ZAD d'aujourd'hui, quand même les conditions de lutte n'étaient tout de même pas les mêmes, et expliquer de quelle manière vous avez réussi finalement à faire bouger les lignes et en tout cas à renverser les choses et à ne pas faire finalement adopter aussi ce projet qui a préservé finalement, il faudrait voir dans quelles conditions aujourd'hui, mais la Loire restant un fleuve naturel et sauvage aujourd'hui. Alors c'est incontestable, hein. Je commence par répondre à la fin de votre question. C'est le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est-à-dire c'est un fleuve qui a encore gardé des crues, des étiages, et on apprend à vivre avec ça. Il ne s'agit pas de ne construire aucun barrage ou de revenir à un âge d'une nature idéalisée dans laquelle les hommes ne feraient pas d'aménagement. Non, c'est pas ça. C'est vraiment on y reviendra peut-être, c'est vraiment un changement majeur dans le regard qu'on porte sur la manière dont on vit avec les fleuves, avec les rivières, avec les cours d'eau. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, nous avons été très forts dans l'argumentaire. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui se fait d'ailleurs de plus en plus hein, dans les luttes. Si on prend Sainte-Soline, si on prend la 69, l'argumentaire ou l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l'argumentaire développé par les opposants, il est le plus souvent imparable. Il est très rationnel sur le plan technique, économique, sociologique, culturel, sorte de militantisme de dossier, quoi. C'est indispensable de montrer, si nous combattons un projet, de montrer avec une rationalité qu'il y en a une autre qui est tout aussi valable. Mais le problème, c'est le hic, évidemment, c'est de la faire prévaloir. Parce que le rapport de force à l'époque, c'était quelques personnes contre l'État, contre l'entreprise Bouygues, contre EDF qui avait dessiné les barrages, contre la plupart des partis politiques qui, de la gauche à la droite, étaient favorables aux aménagements, et presque contre l'opinion publique qui disait « mais un barrage, ça abîme pas la nature, c'est un lac ». Il y avait une très très grande ignorance à l'époque. Donc on part d'un rapport de force qui est totalement défavorable. Ça, c'est le cas de la plupart des luttes environnementales. Et on se dit quels sont les outils qu'on va forger. Donc il y a la connaissance, j'en ai parlé. Et après, c'est le travail de terrain. C'est-à-dire que nous avons décidé, après avoir organisé une manifestation qui avait montré qu'au Puy-en-Velay, on avait mis 1000 personnes dans les rues, que les gens étaient capables de se mobiliser, on décide d'occuper le site. Alors ça, c'est un pas, on rentre dans la désobéissance civile, on rentre dans l'illégalité. C'est très, très, très difficile à franchir psychologiquement pour des citoyens de base. Hein. Ensuite, combien de temps vous occupez le site ? 5 ans. 5 ans. Hein. Il y a eu 5 années, été comme hiver, vous voyez, par des températures comme ça. Il y avait des gens qui couchaient sous des tentes. On avait construit une cabane. On avait apporté le minimum de confort. Mais ça vous donne l'idée de la détermination qui est engagée. Donc le blocage du chantier quand les premières pelleteuses arrivent, l'occupation du site. Nous nous sommes présentés aux élections. Moi, je me suis présenté sous l'étiquette verte avec 3 amis de l'association qui s'appelait SOS Loire Vivante. Et nous avons fait 20% au Puy-en-Velay, qui n'est quand même pas une ville très, très progressiste. Donc, je le dis avec nuance, hein, bien sûr, mais une ville qui était à milieu de penser qu'il pouvait y avoir... D'abord, elle se sentait concernée par le projet de barrage qui s'appelait le barrage de Serre de la Fare, et ensuite par les questions d'écologie en général. Le Puy, c'est pas pareil, il n'y a pas de problème de pollution de l'air, il n'y a pas de problème de qualité de vie, c'est une très très belle petite ville. Donc nous nous présentons, et puis nous organisons pour finir un rassemblement européen, et nous amenons 13 000, 14 000 personnes venues de toute l'Europe, des Anglais, des Allemands, des Suisses, beaucoup de Français évidemment, des Stéphanois, pour dire non, il y a mieux à faire. Et nous ne savions pas exactement quel était ce mieux, mais nous avions commencé à réfléchir sur des alternatives. C'est fondamental. Et donc, vous avez été entendu, c'est-à-dire que les pouvoirs publics vous ont écouté, ont fait marche arrière, ainsi que les entreprises, parce que là, on se dit que, waouh, vous avez en face de vous de bons blocs solides et... La question simplifie un peu. Nous avons eu la chance, oui, d'avoir comme Premier ministre à l'époque Michel Rocard, qui était un humaniste et qui tout de suite a compris que s'il y avait au Puy-en-Velay, sur une question comme l'aménagement de la Loire, un dissensus aussi fort, c'est sans doute que quelque chose se produisait dans la société qu'il n'avait pas anticipé. On est en 88, 89, il va y avoir c'est la chute du deuxième mandat de Mitterrand. Berlin. C'est le deuxième mandat, oui, Brice Lalonde est ministre de l'écologie. Brice Lalonde était opposé à l'aménagement, bien sûr, mais... il ne savait pas comment arrêter ça, il y avait un tel consensus. Il nous a juste dit une chose, devenez fort et je pourrais vous aider. Bon, on a vraiment enregistré le message. Et Michel Rocard et les premiers ministres successifs ont joué le jeu. C'est-à-dire, c'est peut-être une des grandes différences, on peut aborder cette question-là avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous étions considérés, non pas comme des éco-terroristes, c'est invraisemblable cette accusation, voire pire, hein, cette espèce de mépris vis-à-vis de citoyens qui défendent un intérêt général différent de celui qui est décrété par quelques-uns. Nous étions considérés comme des énergumènes ou au pire comme cherchant la guerre civile. Mais il n'y avait pas cette violence systématique de l'État qu'il y a maintenant et qui est vraiment très très préoccupante. Hein. Ça, c'était un atout qui peut-être peut rendre un peu plus prudent sur la transposition des modèles. Hein. Est-ce que ce que vous avez fait en 1989, 90, 91, etc. est transposable ? Moi, je pense que oui, parce que l'attitude vis-à-vis de la violence d'État, ça se travaille. C'est une discussion qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. Simplement, donc, je finis sur les ingrédients. Nous, la non-violence a été absolument fondamentale. Nous avions chez nous des gens qui voulaient mettre de la violence. Mais il n'y a pas eu de sabotage des chantiers. Il n'y a rien eu de tout ça parce que nous avons travaillé ça. Nous avons aussi beaucoup célébré, vous avez utilisé ce terme, on a beaucoup fait la fête, on a attiré les gens parce que c'est angoissant quelquefois l'écologie, l'affrontement, les petits contre les grands, la perspective de gagner qui est quand même très très faible. Donc on a organisé beaucoup de festivals, de fêtes, de moments conviviaux qui ont permis aux gens de se rendre compte qu'on était comme eux. Ce que nous défendions finalement, qui pouvait peut-être paraître assez compliqué, on pouvait le ramener à quelque chose de très simple. La Haute-Vallée de la Loire, c'est magnifique, il y a encore des petits paysans, il y a une nature extraordinaire, elle mérite mieux que d'être noyée sous un grand barrage pour alimenter, pour faire de la culture de maïs ou pour d'autres usages, la Loire moyenne, qui est déjà une Loire riche, parce que la Haute-Loire c'est pauvre par rapport à la Loire moyenne. Et donc, en 5 ans, nous avons réussi à être crédibles. Nous avons évidemment fait beaucoup d'allers-retours pour produire des solutions alternatives. Comment est-ce qu'on gère le risque d'inondation ? Donc, non, on a inventé la culture d'aujourd'hui, celle qui se met en place partout. Mais au fil du temps, les valeurs essentielles de non-violence, de solidarité, de sérieux, et je termine par ça, de recherche d'un compromis. On a élaboré un compromis. Ça, c'est pas très, très à la mode, hein. C'est pas dans notre culture française. Tout ça, ça a permis la victoire de 1994 et la naissance du plan Loire Grandeur Nature. On pourra peut-être... D'accord. Non, on va pas pouvoir avoir le temps, je pense, d'y revenir. Mais juste en quelques mots, ce compromis, qu'est-ce que recouvrait-il ? Ce compromis, il est d'abord, et je tiens à le citer, parce que souvent ça étonne, il a été porté par Michel Barnier, qui était ministre de l'écologie à l'époque. En 1993, Édouard Balladur arrive au gouvernement. Et tout le monde se dit, bon, maintenant que la droite est là, Charles Pasqua, Premier ministre, pour les plus anciens d'entre nous, les écolos, ils vont être balayés du site, on va voir ce qu'on va voir, on va montrer nos muscles. Pas du tout. Il y a eu une continuité, pourquoi ? Parce que partout, les fleuves se rebellent. En 1993, il y a eu une gigantesque inondation du Mississippi. Le Mississippi, c'est un des fleuves les plus bétonnés, les plus aménagés du monde. Il y a eu pour 14 milliards de dollars de dégâts à l'époque. Il y a une ville entière qui a disparu sous les eaux. Bref. Si les Américains n'arrivaient pas contre les inondations, nous, Français, peut-être qu'on n'y arriverait pas mieux. Il y avait quelque chose qui se dessinait. Donc Michel Barnier, il a lancé un plan qui a consisté en quoi ? On arrête, on ne construit aucun des grands barrages. On en enlève des petits, même, deux petits ouvrages EDF qui n'avaient plus d'utilité. Et on invente la culture du risque d'aujourd'hui, celle qui se met en place sur l'Ondaine, celle qui se met en place ici sur... le Furan, progressivement, celle qui se met en place partout, c'est-à-dire on arrête de construire en zone inondable. Alors ça ne s'est pas fait en 5 minutes, hein. Il ne faut pas juste un décret du gouvernement, hein. Vous avez la pression des promoteurs, etc. Mais c'est ce qui est en train de se passer. On met en place une culture du risque dans laquelle on informe les gens, on les alerte, on les pour éviter les drames humains liés aux inondations, quelquefois très violentes comme les crues Cévenoles. Et à Brive-Charensac, on invente vraiment ce qui se met de plus en plus en place. On fait ça dans la région parisienne, on fait ça à Rennes, on a fait ça à Nîmes et autres. On enlève des maisons, des usines qui sont dans des endroits trop exposés. On élargit le lit de la rivière. Et donc on déplace des outils de travail, on les reconstruit. Alors avec évidemment des financements, c'est très lent, ça demande beaucoup de délicatesse. Mais on les met dans des endroits non vulnérables et on redonne de l'espace aux crues. Et il y a un an, il y a eu une grosse crue sur la Loire, à Brive-Charensac. Il y a 1500 mètres cubes secondes qui sont passés. Et ça a fait pour entre 2 et 4 millions de dégâts. Juste quelques parkings, un boulodrome, à Rive-de-Gier, où le lit est bien trop étroit, ça sera sans doute entre 50 et 100 millions d'euros de dégâts. Bref, il y a une démonstration du fait que cette nouvelle culture de gestion du risque, elle marche. Et ça, on peut en être fiers, les citoyens. C'est un bel héritage, en tout cas, du coup, que vous laissez, mais que vous continuez, finalement, et ça sera ma dernière question. Comment vous continuez, parce que le temps passe vraiment très vite, et c'est malgré tout le sujet est passionnant, mais aujourd'hui, ce fleuve reste vivant, reste sauvage. C'est un site exceptionnel, enfin, c'est plus qu'un site, parce que c'est un lieu de vie, c'est un patrimoine et que vous continuez à défendre. Vous faites partie de Rivière Sauvage, mais vous militez encore pour la Loire, et on a vu et on voit certains fleuves qui deviennent des... en tout cas, certains militent en ce sens, hein, non pas seulement pour patrimonialiser, mais pour faire reconnaître aussi les fleuves comme entités... Personne vivante, juridique. Oui, oui. Est-ce que ce serait un jour encore là un combat à mener pour arriver, par exemple, à ce type de conception, quoi? Il y a beaucoup de gens qui travaillent, notamment Camille de Toledo qui a préfacé l'ouvrage, l'Institut d'études avancées de Nantes, des universitaires, des juristes. Camille de Toledo a écrit un livre qui s'appelle « Le fleuve qui voulait écrire », ensuite d'un travail universitaire qui a duré 4 ou 5 ans, qu'on a appelé le Parlement de Loire avec l'Université de Tours. Ah oui, c'est ça. Et c'est très, très intéressant, ça, parce qu'il y a des pays dans lesquels ça marche. En Espagne, la lagune de... comment elle s'appelle ? Mar del Sol, qui est une lagune en Andalousie extrêmement polluée par l'agriculture intensive, eh bien, est devenue une personne avec, c'est une révolution hein, au plan juridique, avec des gens qui la défendent et qui évidemment vont faire évoluer la pratique agricole pour que cette lagune, la lagune de Marménor. Donc ça c'est en route, en cours sur la Loire, sur le Rhône, sur la Seine. C'est très encourageant parce que ça nous oblige à penser, et dans un état de droit, penser le droit c'est juste, surtout en ce moment, c'est juste fondamental. Et puis par ailleurs, moi je travaille beaucoup sur les poissons migrateurs, sur le saumon. Pourquoi la Loire est sauvage ? Parce qu'elle héberge encore des populations d'anguilles, des populations de saumon, de poissons migrateurs. Ils ont disparu du Rhin, ils ont disparu du Rhône, ils ont disparu de tous les fleuves qui ont été pas aménagés. Ils sont dans la Loire dans des situations critiques. Il y avait 100 000 saumons dans la Loire il y a 100 ans, il en reste 100 pour l'instant. 100. Hein. Et pourtant, beaucoup d'efforts ont été entrepris. Donc, il nous reste un peu de travail. Mais migrateurs ? Qui migrent encore sur la Loire ? Qui migrent sur la Loire, oui, okay. Qui vont faire 10 000 km dans l'Atlantique et qui remontent jusqu'en Lozère. Et là, on a fait un très beau travail avec EDF. EDF a enlevé un grand barrage qui faisait une vingtaine de mètres de hauteur, l'a reconstruit, il fait plus que 7 mètres, a mis des vannes. Et donc, elle produit en même temps de l'hydroélectricité. On est bien dans le compromis. Et en même temps, elle laisse passer les saumons. Ça, c'était impensable il y a 20 ans. D'accord. En tout cas, voilà, toujours un travail de protection des rivières, des fleuves et de cette biodiversité donc très et encore présente. Merci, oui. Merci Martin, on a très peu de temps et puis surtout on va vous laisser encore un peu de répit avant de rejoindre l'espace conférence où vous allez intervenir là d'ici quelques minutes, ce sera à 16h, la bataille victorieuse pour la Loire sauvage, une lutte donc joyeuse en plus. Oui, on y tient. Voilà, qui est arrivé à victoire pour défendre cette Loire et ce fleuve. Merci encore et on rappelle cet ouvrage Au pied du barrage. Merci à vous. La lutte oubliée pour la Loire sauvage, paru aux éditions Actes Sud.